Le délégué mexicain, Domingo Rojas, après avoir rappelé l'action des anarchistes au Mexique, dénonce la situation dramatique du mouvement libertaire cubain. Il y a aussi autre chose plus difficile pour moi, c'est vous apporter ici le salut fraternel des camarades cubains qui sont en train de se débattre d'une façon terrible pour de nouveaux conquérants que ce sont les bolcheviks installés là-bas. Il n'a pas fait la révolution. Mais il est camarade avec toi. Il va encore la conviction que là-bas, Cuba, la révolution est faite. Nos camarades n'ont pas fait du tout. Nos camarades anarchistes cubains, ils sont persécutés d'une façon terrible et horrible. Oh, vous, il y a des camps, il y a des camps qui vont faire.